Alors expliquez-moi ce qui se passe. Je viens du futur, dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventée. Vous êtes fou, mon petit. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire. Une pression en avant, et la machine se déplace vers le futur. Une pression en arrière, vers le passé. Bon, très bien. L'anachronique culturelle. Vers l'infini et au-delà. Mathilde Serrel. Atterrissage réussi en 1642. Ces messieurs de la compagnie des arquebusiers sont furieux. Vous n'avez pas respecté les termes du contrat. 18 membres de cette guilde vous ont donné beaucoup d'argent pour que vous les représentiez honorablement dans un digne portrait de gros puissiers. La commande qu'ils ont passée au peintre Rembrandt von Rijn, qui signe de son simple prénom, ne vaut pas les 16 000 florins qu'ils ont dépensés. Ce n'est pas ainsi que l'on charge une arquebuse à rouer. Je passe pour qui ? De toute façon, il fait tellement sombre qu'il est impossible d'y voir quoi que ce soit. Ici, à Amsterdam, ces mousquetaires forment l'une des milices bourgeoises qui protègent la ville. Seulement, c'est à peine si on les reconnaît sur le tableau. Où est Willenburg ? À part le chevalier Franz Banningcock dans son habit noir et le capitaine Wilhelm von Rüdenburg en dentelle blanche. Regardez le portrait que vous avez fait de Vermilich. On dirait un clown échappé d'une farce de la Commedia dell'arte. De plus, là où on attendrait de garde civile une posture hiératique, ils sont représentés dans une sorte de désordre. Tous regardent de part et d'autre et jamais dans la même direction. On dirait qu'ils sont déjà en mouvement alors qu'on ne distingue aucun ordre de commandement. Alors pourquoi ressemblons-nous à une misérable bande de comédiens désœuvrés en pleine séance d'essayage ? Feu ! Amateur ! Et la lumière utilisée par le peintre ne brise-t-elle pas elle aussi les conventions du genre ? La compagnie est représentée dans un clair-obscur, technique déjà observée chez les Italiens, comme le Caravage, mais l'écharpe lumineuse qui traverse la toile suit un parcours totalement inattendu. Que fait d'ailleurs, au milieu des gardes, cette petite fille qui reçoit la lumière des cieux ? On raconte qu'elle a le visage de la femme de Rembrandt, Saskia, qui vient de mourir. Enfin, quelle est cette drôle de chimie dans la peinture qui alterne entre trouble et exactitude ? Ce Rembrandt fait son chemin. Oui, mais peut-être n'est-il pas fait pour un pareil sujet. Oh, moi je dirais que son orgueil le pousse à ignorer les leçons venues de France et d'Italie. Il est vrai que sa peinture s'est encore assombrie. Trop d'ombre. Trop d'ombre. Père, si vous permettez, trop de peinture aussi. Visiblement, il finance ses propres recherches esthétiques aux frais de la princesse. Enfin, des arquebusiers. Espèce de sale foutu barbouilleur présent. Foutre, tu l'ailles au diable. D'ailleurs, au lieu de se conformer au blockbuster des scènes bibliques, il s'est lancé dans de rares représentations de l'Ancien Testament. Certains commanditaires lui reconnaissent son talent d'interprétation, mais Rembrandt est allé trop loin. La composition de cette scène offre aux gardes une transcendance, un ailleurs qui concurrencerait presque le divin. Qu'est-ce que j'ai disais ? Vous parliez de l'idéal. Ah oui, l'idéal, oui. Il faut se garder des grands élans d'esprit. Ce n'est pas prendre les choses par les bons bouts que d'aller chercher Dieu dans les nues. Où le chercher alors ? Dans l'humble chair de l'homme. C'est dans l'épaisseur des choses que je veux chercher Dieu. Pour ma part, j'ai l'intention de faire un voyage dans le futur. Transportation réussie. Vous êtes de retour au 21e siècle. Ce que l'on peut dire, 3 siècles et demi plus tard, c'est qu'avec la compagnie de Franz Banningcock et Wilhelm von Rüdenburg, dite la ronde de nuit, qui est en fait une ronde de jour dont la matière s'est obscurcie, Rembrandt ne s'impose pas tant comme ce peintre qui brise les codes. Il devient celui qui invente un nouveau statut pour l'artiste. Anne Chalard-Philodeau, historienne des idées et des représentations. Il ne contestait pas tant l'ordre institutionnel, le fait qu'il y ait une garde civile, qu'on lui commande un tableau, mais il entendait faire de ce tableau avant tout une œuvre d'art, une œuvre créatrice, une œuvre inventive, une œuvre éminemment politique. Il sera plus tard récupéré par la Société des artistes hollandaises. C'était en 1956. Des artistes ont investi la salle où était exposée la ronde de nuit pour revendiquer des subventions plus élevées au monde de l'art. Et ils l'ont fait au nom de Rembrandt, au nom de ce peintre qui a su imprimer sa marque. Proposer sa propre mise en récit et ses sujets personnels. Au-delà des goûts de l'époque et des canons de représentation des mécènes, c'est affirmer déjà l'autonomie de l'artiste moderne. Et en cela, tous vont se reconnaître en lui. C'est pas un anticonformisme. À aucun moment, Rembrandt n'a laissé entendre qu'il souhaitait battre en brèche tous les codes de l'époque, qu'il les fustigeait. Non, c'est juste que ce n'était pas sa manière à lui et il souhaitait faire autrement. En fait, ce qui va ensuite advenir, c'est un nouveau rapport à l'artiste. En fait, ça va se construire au cours du 19e siècle et du 20e siècle. Un rapport qui ne va pas se définir en termes de réparation d'une réputation entachée. C'était le cas pour Van Gogh. Puisque de toute façon, Rembrandt, il était connu à l'époque. Et puis le tableau, il a été reconnu pour son mérite à l'époque. Mais c'est un rapport qui va se définir en termes de projection, de signification. Significations qui vont être fonction de la situation artistique et culturelle de l'époque. C'est-à-dire que les écrivains et les artistes du 19e siècle puis du 20e siècle, chacun va lire et interpréter Rembrandt à la lumière de ce qu'il a envie d'y trouver. Pour les romantiques, comme Delacroix, Rembrandt incarne l'oxymore, synthèse du bien et du mal. Pour les réalistes, comme Courbet, il est avant tout le peintre politique et affranchi. Pour les surréalistes, c'est le maître de l'ineffable. Pour le néo-symboliste Paul Valéry, Rembrandt, c'est précisément l'écran de projection des artistes. L'œil perçoit ce que l'esprit ne sait définir. Et l'artiste, qui est dans le secret de cette perception incomplète, peut spéculer sur elle, donner à l'ensemble des lumières et des ombres quelques figures qui servent quelques dessins et, en somme, une fonction cachée dans l'effet de l'œuvre. Quand j'admirais jadis dans certains Rembrandt des modèles de cette action indirecte, je ne manquais pas de songer aux effets latéraux que peuvent produire les harmonies divisées d'un orchestre. Wagner, comme Rembrandt, savait attacher l'âme du patient à quelques parties éclatantes et principales. Et cependant qu'il l'enchaînait et l'entraîner à ce développement tout-puissant, il faisait naître dans l'ombre de l'ouïe, dans les régions distraites et sans défense de l'âme sensitive, des événements lointains et préparatoires, des pressentiments, des attentes, des questions, des énigmes, des commencements indéfinissables. Comme la lumière de la ronde de nuit ouvre un ailleurs au quotidien prosaïque des arquebusiers, Rembrandt rappelle aux artistes qu'il leur reste encore tout à explorer.